Déjà ça marche pas, ça commence. C'est Castel. C'est une maison pleine de cailloux. Au fond du jardin, il y avait une cabane pour aller faire mes besoins. Benji rock clipping. Est-ce que ce monde est sérieux? Francis Lalanne, Francis Cabrel. Depuis le temps que je patiente, à chaque fois que je cherche une... Oh, attention, WebKit de WebKit. Chaque fois que je cherche des paroles, je tombe sur le site de la redoute, mais j'en ai rien à foutre, moi, de tous ces strings de la redoute. Je préfère les paroles de Francis, et à chaque fois, ça s'en va, je ne peux pas les regarder. Je suis obligé de me taper la publicité. Est-ce qu'on me fait chier? J'aime plus pour les guitares acoustiques. Mon ordinateur commence à péter les plombs, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Alors je vais sur un autre site, en espérant n'être pas sur la redoute. Et là encore je tombe sur une publicité qui me bloque l'écran. Oh putain, comme ça fait chier. Depuis l'heure que je patiente à chercher les paroles, j'espère que vous êtes plus patient que Francis Cabrel. Oh, c'est bon, je crois que je l'ai. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Oh non! Un nouveau logiciel d'Apple est disponible. Sélectionnez les éléments de votre choix, puis cliquez sur installer. Va te faire foutre, coup de taille. Je n'ai pas besoin de toi. Ah, il me faut chier. Je patiente Allez Philippe, quoi. Allez Bateau-Char, on va se faire un Cabrel. Alors tu nous as fait pas trop de break, s'il te plaît, Bateau-Char, hein. Sinon Francis, ça va, il va pas y arriver. Francis, il lui faut une musique, une batterie pas trop, tu comprends, pas trop forte, pas trop. Putain, il est chiant Francis. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Déjà, faudrait que je sois carré. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières. Déjà retour, petit. Oh, j'ai raté le prochain couplet, alors je fais tourner l'accord, d'accord. On fait tourner jusqu'à la mesure. Dans les premiers mois, j'ai cru, fallait seulement s'y défendre. Mais cette place est sans issue, comment enfin comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Et oui, si t'avances quand je recule, comment vas-tu? Sérieux. Philippe, est-ce que ce monde est sérieux, hein? Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus. Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, et lui faire tourner comme le soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sous ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Bon, je crois que j'ai pas trouvé le reste des paroles. Ah si, excusez-moi. Je reprends à la prochaine mesure. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cul, dans mon cou, pour que je m'incline. Ils sortent tous des acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Est-ce que ce monde est sérieux? Un bateau-char. personne n'est sérieux, au milieu des bananes. Je reprends le premier couplet. Je suis désolé, mais le texte est trop rare et la feuille est trop petite. Allez, j'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leur ballerie. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'écris. Sortent tous ces acrobates avec leur costume de partie. J'ai jamais appris à me battre contre les poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça me faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je suis con. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Salaud, cuisine bien la fille. Alors moi, j'adore le gratin dauphinois. Un mec qui sait faire du gratin dauphinois, les gonzesses, elles arrivent en courant. Non, pas en boîte, arrête. Philippe, c'est pas son style, je crois. Une chanson française. Une chanson de Dudu. Je suis. Ah, s'il y avait Philippe, il me réglerait mon ordinateur. Non, tu peux pas faire mon endroit là, faire comme un tac. Je suis Rital et je le reste. Bon, bateau char, on va faire une chanson de Dutronc, t'es d'accord? L'opportuniste. Tu joues ce que tu veux. Un truc. C'était bien sympa avec Cabrel. Oui, c'est bien, Coco. J'aime bien ça. J'ai pas la tonalité. Attends, on va faire en 32, ça va un peu vite. Ça va un peu vite là. Déjà, on va changer ça. On va ralentir peut-être. Hein. Bateau char, batteur, toi qui connais les métronomes. Si ça fait ça, tu me dis le tempo. Je vais muter. Je ne suis pas communiste. Quoi le tempo ça? Attends, je... le premier qui trouve. Moi je triche et je tape tempo. Ouais, pas mal. Mon tape tempo m'a dit 85. Enfin, tape tempo de Reaper me dit 85. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons vous interpréter. Enfin, nous allons plutôt vous massacrer une chanson de Dutron. Jacques. Philippe. Paul ? Non, Jacques. Jacques Dutron. Nous allons choisir un métronome de 90-85, moi j'irai. Allez. Je vote 85. Ceux qui veulent voter pour moi, levez la main. Je crois que c'est en 32, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Que 32 mesures, ça devrait suffire pour faire les deux petits trucs, là. Les deux parties. Ah, 90. Ah, le chef d'orchestre a décidé. Alors, vu que c'est le MC, c'est le batteur. Déjà, j'arrive pas. Excuse-moi, j'ai pas mis la majuscule. Ah non, toujours pas. Putain, mais Benjamin. Ça y est. Bon. Ce qui nous donne. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien, bateau char, bravo. Alors il va voir surtout les fausses notes. Ça commence mal. Un sol, un do, un si, non, un sol, un la mineur, un mi mineur ou majeur. Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Ce bordel. Bon, un petit problème de mesure, hein, bateau. Pas pour toi, mais moi. Ou j'en ai fait trop, ou c'est moi qui suis pas gaffe. Je vais recommencer à 1. Hein. Impeccable, Doric. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a... Ouais, je me suis trompé encore, putain. Combien ? Ouais, 24 et 16. Je me suis trompé, je suis vraiment désolé. Bah écoute, on n'est pas très bon en mathématiques tous les deux, j'ai l'impression. Ah putain, on solfège. Moi je suis autodidacte, comme ils disent. Oh, j'ai raté le train. Je prends le prochain. Il y a Jacques Dutronc là qui vient d'appeler. Il dit qu'il faut qu'on arrête de massacrer sa chanson. Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme. Parce que je suis opportuniste. T'as raison, c'était 20. Oh, putain, j'aime pas quand on m'appelle sur le portable pendant que je suis sur l'ordinateur. Et ça fait... Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Si, c'est... Eh bien, nous vous remercions pour cette patience, hein, d'être resté dans la salle de concert. Merci, nous vous rappelons que la buvette est ouverte. Bon, c'était gratuit le concert. Hein. Ça change. Oh, c'est compliqué, hein. C'est pas grave. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Toujours, tu joues à côté. Voilà, c'est dur, hein. Si on fait pas de break. Non, non, mais c'est moi qui me trompe, hein, c'est bon. C'est moi qui fais erreur. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne. Après, c'est difficile de repartir, quoi. Oh là là là là là là là. On n'est pas obligé de tomber sur le 1. C'est vrai. Donc, je m'en branle dur. Parce que moi, on m'a toujours appris. Bon, allez, on s'en fout. Mais normalement, il faut respecter le 1. Je me suis fait engueuler une fois, alors... Allez, vas-y. On s'en fout. On s'en fout. Je retourne ma veste. Je prends mon côté. retourne ma veste. Toujours au bon côté. Et avec Bilos, on a fait YouTube. On essaye ? Je suis nul en anglais, mais on s'en fout, non ? Chanson. Une chanson en anglais bien, bien massacrée. Non, une autre chanson. Oh, tu fais un rythme comme tu sens, on va faire une version acoustique. Alors, ça fait. D'abord, on va mettre les menus. C'est le titre. Le titre de la chanson. Take on me. Le groupe s'appelle Ça fait ça fait comme ça. Bon, le tempo. On va voir le nombre de mesures parce que là ça va pouvoir se faire. Faut que je vois la 1. La mineur. Ré. Sol. Do. La mineur. Ré. Sol. Do. Etc. Ah non. Qui c'est qui est parti là? Ah non, c'est Titi qui est là. Enfin, le retour. Il va pas aimer Titi. Shine away. accélérer parce qu'en percussion il va se faire chier, j'ai au long. Alors on va la faire plus vite. 1, 2, 3, 4. Allez, tu peux la faire jusqu'à 130. 1, 2, 3, 4. Ouais, peut-être pas, je sais pas. Réessaye si tu veux. Ouais, allez, on va faire 130. Et après, on va essayer de trouver le nombre de mesures. On doit pouvoir faire. On l'avait fait une fois. Putain. 120 ? Bon, 120. Ah merde. Bah, il est à 130, tu vois. Là, ça va un tout petit peu vite. C'est compliqué hein la musique. Alors, on en est où là? Après les mesures en 16, sinon on n'arrivera pas à suivre, je crois. Ah, c'est bien comme ça. Faut que je revote le BPI, je crois. Voilà, presque, on est presque, on est presque. Bon, pour ceux qui ont été patients. Il va jamais s'arrêter. Ils veulent toujours avoir le dernier mot, ces batteurs. Attention. Elles sont trop près du radiateur, ces guitares. Voilà. J'ai perdu l'audition. Comment ça? Oh, à force de souffler toute la nuit, là, j'ai fait. Qu'est-ce que c'est cette batte? Ah, ces musiciens. Une chanson qui commence par un do. Do, ré, mi, après un fa. Non, tu vois, vous allez reconnaître tout de suite. Do, ré mineur. Sol, do, c'est tout. Je crois que mon accordeur il marche pas bien. Bon, la pile elle doit être niquée là. Attends, je pars au prochain. À force. Je vous ai dit le premier lettre. À force de briser dans mes mains des guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. Bon, premier couplet. 2, 3, 4. À force de briser dans mes mains des guitares sur des scènes. Jacques Révaux, tatatan, Gérard Lambert. À force de briser dans mes mains des guitares cette scène violente sous des lumières bizarres. Ma force de forcer, ma force à cette époque pour faire bouger mes doigts, pour faire bouger mes doigts. Ma force de te laisser assurer. Chanson de paroles de Lionel Florence, musique de Pascal Obispo. Mi mineur. Qu'est-ce qui vous arrive là? Mi mineur. Celle-là était jolie, celle-là. Un, deux. Chanter, oublier ses peines, pour percer un enfant, chanter, pour vous dire je t'aime, mais chanter tout le temps, pour implorer le ciel ensemble, en une seule et même église. Florent Pagny chante et tout, on s'en fout. Chantez Philippe, oubliez ses peines, Titi, pour bercer un enfant en géo, et pour pouvoir dire je t'aime, Patocha. Sensible, silence, chante. vrai, je la fais n'importe quoi. Compter, oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime. Paris,